Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. En remontant le temps, la préhistoire avance à pas de géant. Archéologues, préhistoriens, anthropologues, biologiques ont depuis longtemps investi tous les champs de la recherche, dont les plus récents, la paléogénétique notamment. Si les découvertes s'enchaînent, les avancées théoriques sont parfois présentes. Toutefois, un domaine semble quelque peu à la peine. À la croisée de la préhistoire et de l'histoire de l'art, l'art pariétal et rupestre serait-il à la traîne ? Les spécialistes, mieux les pariétalistes comme ils se dénomment, ont pourtant en France un terrain d'exception. Durant plus de 30 000 ans, Sapiens Sapiens s'est exprimé sur les parois des grottes Lascaux-Ugno, Chauvet-Oscar Cussac ou Cugnac, Pechmerle ou Le Portel. Pour autant, qu'en retirent les archéologues et comment interprètent-ils ces œuvres venues du fond du temps ? Sur ce thème, André Leroy-Gourhan a marqué profondément la recherche au travers de grands ouvrages, Préhistoire de l'art occidental, ou de tout petits, plus intéressants, Les religions de la préhistoire. Sa lecture de l'art lui a permis une analyse originale, la création de style, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, se penche ce soir sur l'art préhistorique et la pensée d'André Leroy-Gourhan, son empreinte, son héritage, au travers des trésors de l'INA. J'ai été conduit par goût personnel et par les circonstances à m'intéresser à l'art, car une partie de ma carrière s'est déroulée comme assistant du musée Tchernuski, du musée d'art chinois du parc Monceau et du musée Guimet, où j'ai été appelé à remplacer pendant plusieurs années un ami qui, à l'époque, ne pouvait pas rester en France. Préhistorien, directeur de recherche au CNRS, Jean-Loïc Lecalec, bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'art rupestre, vous n'êtes pas que pariétaliste, mais aussi mythologue. Cela nous sera sûrement bien utile. Dans un petit livre, André Leroy-Gourhan évoquait la difficulté d'appréhender l'art et les religions de la préhistoire. Que percevrait un extraterrestre pénétrant dans une église ou dans un de nos lieux saints? Bonne question, Jean-Loïc Lecalec. Ah oui, c'est une bonne question. Cette comparaison a souvent été reprise. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut comprendre du christianisme rien qu'en regardant les images dans une église si on connaît aucun texte référent au christianisme? Et une réponse possible, c'est de dire que on comprendra rien, parce que si, par exemple, pour reprendre une chose qui a été diffusée par Leroy Gourhan, si on classe d'un côté tous les objets ronds, par exemple les bénitiers, et de l'autre côté tous les objets à angle aigu, par exemple les croix, on va faire deux catégorie. Après, on va pouvoir s'interroger à quoi correspondre, mais on n'apprendra rien sur le génie du christianisme. En tout cas, ce petit livre, Les religions de la préhistoire, est une sorte de véritable manifeste. Ah oui, c'est une déconstruction systématique de toutes les tentatives qui avaient été faites à son époque pour essayer de trouver ce qu'on appelle encore, un peu malheureusement, je trouve, les religions de la préhistoire. C'était une réponse, en fait, à l'abbé Glory, qui, à ce moment-là, essayait d'expliquer l'art préhistorique par la théorie des Ongons, c'est-à-dire par des esprits que vénèrent les chamans sibériens. Je souhaitais commencer ce Carbone 14 par un grand témoin, très proche d'André Leroy-Gourhan, Arlette, Madame Leroy-Gourhan, spécialiste des pollens, son épouse, présente aux Aisy en 1990 pour le cinquantenaire de la découverte de Lascaux. Eh bien, vous savez, moi j'aidais surtout mon mari, et ça consistait à trimballer le matériel, à entrer dans la grotte le matin, et à tenir des lampes à bout de bras, pendant des heures et des heures et des heures, jusqu'à souvent 1h ou 2h du matin, en ayant amené son pain et son saucisson. Mon mari a lancé beaucoup de théories, c'est ce qu'il faut faire, Il y a des théories qui sont valables, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a dans celle de mon mari que moi-même je n'acceptais pas beaucoup et il les a de lui-même au bout d'un temps fait tomber. Bon, mon mari donc a lancé des théories et c'est une chose absolument magnifique de voir à l'heure actuelle un certain nombre d'autres discuter, garder certaines choses, étudier certains points et petit à petit, bon, il reste quelques points qui resteront comme sûrs et d'autres qui évolueront et bien ça c'est ce qu'il faut faire dans toute science. Jean-Luc Lekelec, avant André Lauragouran, dans la première moitié du XXe siècle, les préhistoriens évoquent surtout la magie de la chasse pour expliquer l'art préhistorique. Oui, ça a été une des grandes explications avancées avec le totémisme. Alors la magie de la chasse, ça s'appuyait surtout sur des images où on voit des animaux qui ont l'air de cracher le sang, on ne sait pas ce qu'il en est réellement, et puis qui portent des signes qu'on a interprétés comme des flèches ou des lances ou des blessures. Et donc on a pensé ces images, en comparant avec des documents, notamment sud-africains, d'autres documents ethnographiques, on a pensé que c'était des représentations qu'on lardait de coups pour préparer une chasse et pour propitier une chasse. Et cette théorie a eu une certaine vogue, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que, en fait, par les fouilles, on s'est aperçu que ce que mangeaient les hommes préhistoriques, c'était pas vraiment les animaux blessés, apparemment blessés, en tout cas, sur les parois. Et donc, cette théorie, s'est effondrée et maintenant elle est suivie par personne. En tout cas, cet art préhistorique ne représente jamais des scènes. Ça, c'est très important. Oui, alors les animaux, il n'y a pas que des animaux, mais si on parle des animaux, ils sont presque toujours représentés comme en train de flotter dans les airs, un peu représentés pour eux-mêmes, séparément, et on voit pas de scène, notamment on voit pas de scène de chasse, pour ce qui concerne cette hypothèse de la magie de la chasse. On a évoqué l'art pour l'art aussi ? Oui, ça a été évoqué, ça c'est aussi abandonné, on peut pas croire que les gens aient pris tant de risques, parce que certaines des images sont situées dans des endroits extrêmement difficiles d'accès, on peut pas croire que ces images avaient pour seul but de décorer des grottes, d'autant plus que l'idée commune de l'homme des cavernes est aussi tombée. Les gens n'habitaient pas, ne vivaient pas dans les cavernes. Dans une archive de 1965, André Lauragouran évoque la naissance de l'art. La naissance de l'art est une chose très longue. Un des points sur lesquels je pense avoir tout de même atteint, enfin fait tourner la page, si vous voulez, en matière d'histoire de l'art préhistorique, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il a existé un début, un véritable début, c'est-à-dire que pendant 5000 ans ou 10 000 ans, on rencontre des traits inorganisés qui s'organisent petit à petit en figures abstraites, et puis la figure sort petit à petit de cette abstraction pour se constituer en figure d'animaux, en personnages, en symboles de caractère mâle ou femelle. Et toute cette grammaire, toute cette syntaxe de l'art paléolithique s'organise sur une courbe d'évolution qui apparaît maintenant comme étant aussi régulière qu'a été la courbe d'évolution de l'art égyptien ou de l'art grec, par exemple. C'est donc que la plus grande, la plus ancienne aventure artistique de l'homme. Eh bien, c'est la plus ancienne qui soit datée. Et il y a de fortes chances pour que ce soit la plus ancienne dans l'absolu, car elle débute fort peu de temps après l'apparition de l'Homo sapiens, c'est-à-dire des races humaines auxquelles nous appartenons. Et du temps de l'homme de Néandertal, on sait qu'il n'y avait possibilité que pour des manifestations extrêmement frustes dans le domaine esthétique. Par conséquent, il s'agit effectivement, et ça tous les spécialistes sont d'accord depuis longtemps, du premier art connu. Et cet art arrive à rendre compte de plusieurs domaines, un art sacré peut-être, un art profane ensuite ? Eh bien là, il n'y a aucune innovation, sinon dans le fait que j'ai essayé de montrer que l'art paléolithique était un art composé comme tous les arts, qui avait un sens derrière lui, qui avait un contexte, n'est-ce pas, et qui n'était pas une chose inorganique, mais que l'art paléolithique soit un art religieux, c'est admis depuis plus de 50 ans par la plupart des préhistoriens. Et ce qu'on n'avait pas vu peut-être jusqu'alors, c'est le fait que la caverne était sentie par les paléolithiques comme un fond dans lequel s'ordonnaient leurs figures. n'est-ce pas ? J'ai été obligé de prendre le détour de la topographie statistique, de fixer des centaines de figures dans leur situation, pour m'apercevoir que finalement, les bisons n'occupaient pas la même position que les chevaux, que les taureaux, que les cerfs, que les bouquetins, etc. Et que tout ça s'organisait dans un système où on retrouvait les mêmes fréquences, c'est-à-dire l'opposition du bison et du cheval, ou du taureau et du cheval, ou du mammouth qui vient compléter un groupe bison-cheval, etc. Découverte qui pour moi-même a été très inattendue. L'artiste de cette époque, si je vous comprends bien, était presque un metteur en scène qui devait s'adapter à chaque grotte. Mais il était comme tous les artistes, c'est-à-dire qu'il construisait sa pensée à travers le graphique, n'est-ce pas ? Et il n'est pas plus surprenant de voir des artistes paléolithiques qui composent que de voir dans les populations actuelles que l'on considère comme ayant encore un niveau de vie relativement primitif, des artistes australiens ou néo-guinéens ou de l'Amérique centrale qui composent leur thème de figuration dans un ordre, n'est-ce pas, suivant, appuyé sur une mythologie ou appuyé sur une idéologie précise. Et tous les thèmes d'expression ont été épuisés, que ce soit le concret, l'abstrait, le travail au burin, au pinceau. Oui, c'est une des choses assez frappantes que la richesse de l'art paléolithique. 30 000 ans avant notre ère, l'homme disposait déjà pratiquement des moyens d'expression que nous possédons, c'est-à-dire qu'il avait des colorants, qu'il avait la possibilité d'arracher les poils à la queue de ses bisons pour s'en faire des pinceaux, qu'il avait des burins de silex qui sont aussi mordants que des burins d'acier s'ils vivent moins longtemps, et que par conséquent, gravure, peinture, sculpture, toutes sur os, sur bois de renne, vraisemblablement aussi la grande peinture sur les peaux et sur les écorces que nous ignorerons toujours parce que tout a été détruit, tout cela constituait une gamme que nous n'avons pas dépassée de beaucoup à l'heure actuelle, sauf peut-être dans la sculpture au fer à souder, au chalumeau. Mais d'autre part, l'art paléolithique prend son départ véritablement dans l'abstrait. On le voit naître et atteindre petit à petit le concret et même, à certains moments de sa maturité, toucher à l'académisme et un peu à la froideur, à la perfection gênante. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Louis Lecalec, 50 ans après cette interview, que penser des débuts de l'art préhistorique ? Alors, moi, je me dis que c'est une question qu'on ne pourra jamais résoudre parce que c'est une question qui est générale en archéologie. Il y a quelque chose qui s'appelle la taphonomie, qui est en gros la disparition, la science de la disparition des choses, si on peut dire. Et en fait, on peut résumer ça très simplement, c'est que plus les choses sont anciennes, plus elles ont des chances d'avoir disparu. Et si on imagine un début, un tout début à quoi que ce soit, les chances pour que les premières manifestations aient été conservées sont pratiquement nulles. En plus, comme le dit très bien André Leroy-Gourand, il ne nous reste que ce qui a survécu sur des parois ou sur des objets durs, comme des os ou des plaquettes. Et tout ce qui a été dessiné ou peint sur des peaux, par exemple, sur des écorces ou même les décors corporels, tout ça a forcément complètement disparu. Donc, espérer, dans ces conditions, retrouver quelque chose qui nous dise, qui nous informe sur l'origine de l'art, pour moi, c'est complètement désespéré. Alors, bien sûr, André Leroy-Gourand n'avait pas vu les grandes découvertes qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. Bien sûr, la grotte de Chauvet, mais aussi la grotte de Lefels en Allemagne, tout à fait extraordinaire, avec un mobilier aurignacien, donc les premiers sapiens arrivant en Europe. Un mobilier extraordinaire avec des Vénus, des animaux, des félins, donc des animaux assez dangereux. Cet art, il apparaît, il émerge d'un coup d'un seul ? C'est un peu la même question. Alors lui, il expose là qu'il y aurait eu une évolution, que au départ on aurait des tracés informels, non reconnaissables, et que petit à petit ça s'organise et que ça finit par être un art, disons, vériste. Ça, c'est contredit par l'observation. Je pense que plus personne ne soutient qu'il y a un tel évolutionnisme. Mais c'est vrai que c'était une idée extrêmement commune de penser que les débuts sont toujours des balbutiements et que il y a une enfance de l'art, comme on a pensé qu'il y avait une enfance de l'humanité, que donc tout ça forcément balbutie au départ, se perfectionne, atteint une espèce de niveau, comme il dit, une espèce de classicisme là, l'apogée de l'art, et puis ensuite redevient schématique et disparaît. Ça, c'était une idée extrêmement commune qui est également abandonnée. On ne croit plus qu'il y ait une évolution de l'art visible simplement en regardant les images. En tout cas, le plus vieil art de l'humanité, c'est de l'art. Bien sûr, oui. Moi, je pense que dès qu'il y a humanité, il y a art. Voilà. En plus, il faudrait également parler de la danse, du chant, etc. Si on parle de l'art en général, c'est une raison supplémentaire pour penser que l'origine de l'art, c'est quelque chose qui nous est à jamais inaccessible. C'est dans la grotte du Portel, en Ariège, qu'André Laura-Gourand perçoit pour la première fois des rythmes entre des animaux. Sa théorie sera que bison et cheval sont deux entités complémentaires et sexuées. Cette hypothèse est-elle toujours valable aujourd'hui ? Alors, c'est deux questions différentes, parce qu'il y a la reconnaissance de ce couple, et puis, s'il existe, qu'est-ce qu'il représente ? Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre d'une opposition sexuelle ? Lui-même était pas très... ne tenait pas tant que ça à cette opposition sexuelle. Il l'a dit, finalement. Il a dit que, simplement, ayant reconnu cette opposition, il pensait que ça devait correspondre à une opposition de nature, observable facilement, genre le jour et la nuit, la vie et la mort, où il a pensé... comme il avait une formation d'ethnographe et une très grande culture ethnographique, l'une des oppositions les plus communes, évidemment, c'est l'opposition entre les sexes. Il a pensé que ça pouvait être ça, mais il y tenait pas plus que ça. Il tenait beaucoup plus au fait qu'il y ait une opposition, notamment aussi par les signes mâles et les signes femelles. Ça se représente comment dans une grotte, ces bisons et ces chevaux ? Ils ne sont pas forcément au même endroit, c'est ça ? Alors, après... Cette opposition. Oui, la question préliminaire, c'est est-ce que cette opposition, dans sa généralité, telle qu'il l'énonce, est-ce que ça tient toujours ? Alors, le gros problème, c'est que son travail, lui, a été construit sur 62 grottes. Et maintenant, on en connaît plus de 400. Donc, son travail statistique, forcément, là, c'est pas du tout une critique négative, c'est par simplement l'histoire des découvertes, ça ne tient plus, statistiquement, ça ne tient plus. Et un des exemples les plus massivement contre cette idée-là, c'est la grotte Chauvet, parce que là, on retrouve pas cette opposition, et la théorie dit qu'on a ce couple, donc, bison, cheval bovidé, disons, en gros, cheval boviné, et puis qu'il y a d'autres animaux, selon les lieux, des animaux complémentaires, et que ceux-là sont plus rares. Et en fait, ce qu'on voit à la grotte Chauvet, c'est que les animaux rares sont dominants, et on ne retrouve pas cette opposition. Donc c'est un magnifique contre-exemple qui prouve que cette théorie-là, dans sa généralité, ne tient pas. Après, grosso modo, c'est vrai qu'il y a une fréquence élevée des bisons et des chevaux. On remarque pour le rémiassien, donc le début de l'art en Europe occidentale, que justement ce sont en général des animaux dangereux. Oui, alors c'est aussi une des thèses qui cherche à expliquer. Alors, on rejoint un petit peu la magie de la chasse par cité d'Ella, parce que une des erreurs de l'hypothèse de la magie de la chasse, c'est penser que les chasseurs chassaient uniquement pour se nourrir, ces grands animaux représentés uniquement pour se nourrir. C'est sans doute une vision un peu naïve des choses. Et il y a aussi une chasse non alimentaire. Il y a une chasse qualifiante. Beaucoup de sociétés actuelles ou subactuelles chassent les animaux qualifiants, c'est-à-dire c'est valorisant de chasser particulièrement des animaux, pas forcément pour se nourrir, mais parce qu'ils sont dangereux. Alors il y a une possibilité, effectivement, qu'on ait plus particulièrement représenté les animaux dangereux, justement parce qu'ils étaient dangereux et justement parce que leur chasse était difficile et dangereuse. C'est une possibilité. Il y a 40 ans, le 1er mai 1976, André Laura-Gourand évoque sur France Culture le développement du symbole et de l'art figuratif. Ce qui m'a attaché en un temps, c'est le développement du symbole figuratif, soit la matérialisation de rythme, comme on le voit sur certains fragments d'os ou de pierres préhistoriques qui ont des traits régulièrement espacés, qui ont dû traduire quelque chose qui avait un caractère rythmique, on ne sait pas absolument quoi, ou les premières tentatives de l'Homo sapiens à la recherche de la représentation des animaux. Tous ces symboles bidimensionnels, en quelque sorte, qui ont constitué l'art préhistorique, sont encore très peu étudiés et très flous. À un moment dans le développement de la pensée humaine, les symboles ont pris la forme de symboles visuels. La figuration corporelle a pu tenir pendant très longtemps et dès les premières formes de l'humanité la valeur d'un dispositif symbolique qui permettait par les attitudes de juger de la bonne volonté ou de l'agressivité de tel ou tel animal ou tel compatriote, une dimension supplémentaire qui est acquise par le fond de mémoire qu'on a des faits qui sont en cours de relation, c'est-à-dire qu'on mêle dans la compréhension des choses une large part de son acquis personnel. Il est évident que vous dites la chaise est beige, moi je ne vois pas le même beige que vous. Lorsqu'on parle, les symboles sont libérés et saisissables par les uns et les autres sur une base minimale qui n'inclut pas le fond existant. Les choses ont un plan et des arrière-plans de plus en plus flous comme les cerveaux superposés de l'Homo sapiens. On retrouve un peu toujours ce dispositif à plusieurs étages, non plus comme le symbole graphique dans sa forme la plus naturelle qui est bidimensionnelle. Ici, on a une pointe qui émerge et puis tout le fond intérieur qui reste dans une semi-obscurité et qu'on récupère chacun à sa manière. Jean-Luc Lequelec, oui, bien sûr, il n'y a pas que des animaux, il y a aussi des signes dans les grottes. Pour expliquer l'art, André Laura-Gourand invente la notion de mythogramme. De quoi s'agit-il ? Alors, les signes, c'est tout ce qu'on sait pas reconnaître, en fait, parce que on sait reconnaître les animaux, même si on sait pas ce qu'ils représentent, au fond, mais il y a pratiquement la moitié des tracés dans les grottes sont des signes que nous ne savons pas reconnaître. Des points, des traits, voilà, des carrés, ce qu'on appelle conventionnellement des signes. Et alors, cette histoire de mythogramme, il en a donné une définition. Et il a dit, qu'est-ce que c'est qu'un mythogramme ? C'est, je le cite là, un énoncé de symboles qui sont situés et animés par le discours et dont la signification symbolique s'évanouit au même instant que la tradition orale. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que, probablement, que toutes ces images, et les signes également, tout ce qu'on sait reconnaître et ce qu'on sait pas reconnaître, c'était connecté à des discours. Et donc, étymologiquement, à une mythologie, à des récits. Les gens devaient dire des choses à propos de ces images, et ces images étaient forcément connectées à ces discours. Alors, le problème de cette notion de mythogramme, c'est que je pense que ça a été mal compris, parce que des gens ont pensé assez rapidement que c'était simplement la représentation graphique, un mythogramme, ça aurait été la représentation graphique d'un mythe. Et du coup, des auteurs ont essayé de reconnaître dans les images des traces de mythes. Par exemple, il y a des auteurs encore très récemment qui ont évoqué le Minotaure à propos d'une image de la grotte Chauvet, par exemple. Et je pense que ça, c'est faire fausse route. Toutes les tentatives qui ont été faites dans cette direction ont été vouées à l'échec. Et de toute manière, on ne pourra jamais prouver qu'une telle interprétation est juste ou pas. André Laura-Gourand travaille aussi sur les styles, ce qui est particulièrement difficile sur ce thème dans l'art donc des origines. Oui, les styles en général, c'est très difficile. Dans les arts rupestres en général, non seulement dans les grottes, mais en général, c'est une notion qui est utilisée, mais utilisée un petit peu à tort et à travers, parce que le problème de ces styles, c'est qu'ils sont généralement très mal définis, et que je dirais presque qu'il y a autant de styles ou autant de classifications stylistiques que de préhistoriens. C'est-à-dire que chaque préhistorien est capable, quand il utilise cette notion, de donner une classification stylistique qui ne sera pas forcément celle de son voisin. Alors, il y a eu des tentatives plus récentes, comme celle d'Emmanuel Guy, par exemple, qui, lui, justement, essaye de rationaliser cette notion de style et de donner des critères reconnaissables par les autres. Et ça, c'est un progrès. Et moi, je pense que les styles, effectivement, c'est quelque chose qui peut être utilisé, qui doit être utilisé. Il ne faut pas s'interdire tous les moyens qu'on peut trouver pour étudier cet art. André Laura-Gourand, c'est aussi l'étude spatiale des cavernes. Chaque représentation a du sens dans sa topographie. Oui, alors ça c'est très important parce que c'est une démarche qui consiste à dire bon, on va pas essayer de comprendre image par image, d'essayer de retrouver le mythe derrière ou une explication empruntée à l'ethnographie. On va essayer de regarder ce qui dans l'ensemble d'une grotte peut ressembler à une espèce de programme iconographique. Et donc ça c'est une avancée considérable en réalité puisque on se détache de l'interprétation pour s'attacher aux images. Donc on va les compter, on va regarder où est-ce qu'elles sont situées et on va voir s'il y a quelque chose qui ressort d'une sorte d'organisation générale de la grotte. Où en est-on aujourd'hui, 30 ans après André Leroy-Gourhan ? Aux hypothèses de Leroy-Gourhan se sont succédées celles de la transe chamanique ? Oui, alors c'est amusant d'ailleurs parce que ça c'est pratiquement l'une des plus anciennes hypothèses qui avait déjà été exposée dans les années 50, l'interprétation par le chamanisme. Le petit livre de Leroy-Gourhan sur les religions de la préhistoire, c'est un livre qui est presque frontalement dirigé, pas uniquement, mais quand même grandement, contre des interprétations telles que celle de l'abbé Glory avec la théorie des ongones, voilà, qui emprunte aussi au chamanisme. Sur le crâne de l'ours aussi, puisqu'il y a une exposition en ce moment. Le culte de l'ours, etc. Et Leroy-Gourhan a écrit en 1970 un article qui s'appelle « Le préhistorien et le chaman », où il montre... alors, il n'est pas absolument opposé à la possibilité d'une connexion avec quelque chose qui serait de l'ordre du chamanisme, mais il montre très bien, et là je suis entièrement d'accord avec lui, qu'à partir des images, on ne peut absolument pas le démontrer. Pourquoi ce chamanisme marche si bien ? Pourquoi tout le monde a tendance à y adhérer ? Pour moi, je pense... Parce que c'est trop facile, trop simple ? Actuellement, alors c'est une explication simple, les explications simples, quand on a un problème compliqué et qu'on lui donne une explication simple, c'est toujours séduisant, donc ça fonctionne toujours. Et par contre, les réfutations sont longues et complexes, et ça fonctionne pas du tout auprès du grand public en général. Mais surtout, je pense que, en prenant un petit recul, on s'aperçoit que la mode actuelle qui fait appel au chamanisme pour interpréter l'art préhistorique, mais pas que cet art-là, est tout à fait connecté avec la mode du néo-chamanisme qui naît en Amérique du Nord avec Michael Arner qui ensuite s'est diffusé en France. Et il y a maintenant une vogue du chamanisme telle que ça plaît beaucoup. Et le mot du reste chaman et chamaniste, ces mots-là sont employés un peu à toutes les sauces. Ils sont très très mal définis. Et ces mots étant très mal définis, du coup, c'est assez facile de les retrouver partout. Alors, j'ai regardé, bien sûr, les hypothèses nouvelles qui étaient à notre disposition. Il y a d'abord la saisonnalité des pelages des animaux peints, qui a été étudiée par Norbert Joula. Mais on a vu aussi certains voir du cinéma préhistorique, d'autres à la croisée de la musique et de la topographie. On chante dans les grottes ? Oui, alors oui, ça c'est le musicologue Yegor Reznikov avec notre ami Dovoy qui ont visité les grottes en chantant ou en tapant des mains devant les images, en essayant de voir s'il y avait des résonances particulières. D'autres gens suivent cette route. Pour moi, c'est quelque chose qui est également difficile à prouver de manière vraiment très solide. Puisque vous êtes mythologue, Jean-Loïc Lequelec, doit-on voir dans cet art peuplé d'animaux quelques mythe, une mythologie. Alors, je crois qu'il faut résister à l'envie de lire les images comme des transcriptions de mythes, avec cette fausse interprétation du terme mythogramme. Par contre, là où Leroy-Gourhan avait certainement entièrement raison, c'est quand il dit que l'ensemble de ces images étaient connectées à quelque chose de l'ordre de la mythologie. Ça me semble évident, et je pense que même les plus réticents, les préhistoriens les plus réticents à l'interprétation, sont d'accord pour dire que derrière tout ça, il y a quelque chose de l'ordre du mythe. Philippe Descola dirait sans doute, et je pense que c'est plus approprié, une ontologie, une façon particulière de voir le monde. Jean-Luc Lequelec, de fait, l'archéologie de l'art préhistorique n'est-elle pas bloquée par les travaux d'André Leroy-Gourhan, et cela malgré lui ? Oui, probablement parce que son petit livre sur les religions de la préhistoire est une déconstruction systématique de toutes les tentatives existant à son époque, mais qui perdurent jusqu'à nos jours. Et du coup, ce livre est tellement destructeur, si je peux dire, que plus personne après lui n'a osé reprendre ce dossier qui sent un peu le soufre, il faut bien le dire. Jean-Luc Lequelec, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Jean-Richard Dufour, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.